gatinho chorei. Tu te fais un rail. La clinique, ils t'ont dit non. Pas de cam dispo pour ton fion. Tu en rêves et tu en chiales. Même pas peur d'avoir eu mal. À Necker, ils t'ont dit non. Pas question, les tests sont bons. Partir au soleil. Se couper l'oreille. Une coloscopie. Non, c'est pas pareil. Partir. Facile trouver les boutons. J'ai ruiné mon nouvel iPhone. Pourquoi crois-tu qu'il déconne? Marre de ce putain de silence. J'ai foncé aux urgences. Ils m'ont mis sous Xanax. Pas question de me remettre.